Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Coup de cœur. Serge en votre compagnie pendant une heure qui va être consacrée à un homme aux diverses casquettes. D'ailleurs, il en porte une régulièrement. Je voulais annoncer la semaine dernière, l'invité sur nos platines aujourd'hui n'est autre que Yannick Noah. Coup de cœur. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Gamin, écoute, faut que tu saches, on est soit voleur, soit volé. Et chacun se tue à la tâche, qu'on soit la base ou le sommet. Les gens baissent les bras ou les ferment, faut jouer des coudes pour exister. Ici tu gagnes ou tu la fermes, mais laisse-moi te raconter. Petit, regarde cet étang, des fins minages contre courant. Petit, regarde tous ces gens, et danse et danse dans le vent. Petit, regarde droit devant, des hommes y dansent contre courant. Petit, regarde tous ces gens, et danse dans le vent. Mais allez, viens, y'a pas que ton frère que ton frère. Mais allez, viens, y'a pas que ta sœur que ta sœur. Mais allez, viens, y'a pas que ton frère que ton frère. Mais allez, viens, y'a pas que ta sœur que ta sœur. Gamin, écoute, c'est pas fini, tout est fric et frime, petite gloire. On confond rêve et jalousie, tout finira bientôt dans le noir. Les gens baissent les yeux ou les ferment, faut être la brute et le truand. Ici tu aimes ou tu t'enfermes, ah tu peux rire maintenant. Petit, regarde cet étang, des familles nagent contre courant. Petit, regarde tous ces gens, et danse dans le vent. Petit, regarde droit devant, des hommes y dansent contre courant. Petit, regarde tous ces gens, et danse dans le vent. Mais allez, viens, y'a pas que ton frère que ton frère. Mais allez, viens, y'a pas que ta sœur que ta sœur. Mais allez, viens, y'a pas que ton frère que ton frère. Mais allez, viens, y'a pas que ta sœur que ta sœur. Y'a pas que ton frère que ton frère. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Yannick Noah, eh bien sachez qu'il est né à Sedan donc le 18 mai 60, c'est pas si loin de chez nous, d'un père camerounais qui s'appelait Zachary et d'une mère française Marie-Claire. Il ne découvre le Cameroun qu'en 1963 lorsque son père, footballeur professionnel alors gravement blessé, décide de retourner dans son pays. La famille élit domicile à Yaoundé, où est là ses racines. Un pied en Europe, l'autre en Afrique, deux cultures différentes bercent ainsi l'enfance du petit Yannick, qui vit une adolescence au son des Jimi Hendrix et Bob Marley, devant lesquels il est en extase. Ainsi et contre toute attente, la musique est sa première passion. Mais très vite, il se révèle parallèlement doué pour le tennis et passe des heures à s'entraîner. Remarqué par l'Américain Arthur Ashe, une légende vivante de ce sport, Yannick gagne un billet de retour pour la France, Nice en particulier, où il entame un programme de sport-études avec la Fédération française de tennis. À seulement 11 ans, la solitude et l'éloignement lui pèsent, mais grâce à la musique, il tient bon. Il aura par la suite la grande carrière sportive qu'on lui connaît, notamment sa victoire en 1983 au tournoi de Roland-Garros à Paris, qui est jamais gravé dans les mémoires. On retrouve Bob Marley, une de ses idoles, jamming. Jamming, jamming, and I hope you like jamming too. in Mount Zion. It rules all creation. Yeah, we're jamming. Après une brillante carrière de tennisman, le champion en pré-retraite se tourne à nouveau vers la musique. Sa reconversion est d'autant plus difficile que ses prédécesseurs sportifs ont tous échoué dans ce genre d'entreprise. Mais en 1990, il démarre très fort. Son titre Saga Africa, qui passe très souvent sur la première chaîne de télévision française, puisque un partenariat a été signé entre la maison de disques et TF1, ce titre devient un tube dès sa sortie. La France entière se déhanche sur ce morceau endiablé. En 1991, l'équipe de France, dont il est le capitaine, remporte la Coupe Davis. Et lors de la cérémonie de remise de trophée, les joueurs et entraîneurs entament une danse mémorable en chantant Saga Africa. Son premier album, Black and White, qui sort la même année, bénéficie bien sûr des retombées de cette victoire. Les paroles en français, anglais et camerounais sont de son cru. Quelques grands frères viennent lui apporter leur expérience, notamment Manu Dibango, Camille Rutzmann et Idrissa Diop. En tout, quelques 600 000 exemplaires de cet opus seront vendus. On retrouve la Saga Africa, vous pouvez danser autour de la table, vous déhancher dans la voiture, ça ne pose aucun problème, c'est de la bonne humeur garantie. Et ensuite, ce sera Idrissa Diop, Djamo. Sous-titrage Société Radio-Canada. Chado Cameroun avec les lions indomptables. Nos chronos dégagent, suppositoire de l'attaque adverse. Dégagement multidirectionnel, donc chrono. Les défenseurs voient complètement flac. François Omambi, Amoti, église insolent. Deux solos et lance Mila. Au bombe de Mila, dribble là-bas. Un dribble sorti du doigt de laboratoire footballistique des Toulis. L'affaire est grave, il tire au goal. Il y est. Fadjet. Coup de cœur. À Nancy sur 94.2. Encore un pied dans le tennis, il remporte en 1996 la Fed Cup avec l'équipe féminine française qui l'entraîne et Yannick Noah laisse une fois de plus la chanson momentanément de côté. Parallèlement, il s'investit énormément dans des causes humanitaires et plus spécialement dans l'association Les Enfants de la Terre, créée en 1988 avec sa mère, qui offre des foyers d'accueil aux enfants en difficulté. Il participe également à diverses actions de Fête le Mur, F-E-T-E, association dont il est le parrain, qui met des équipements sportifs à la disposition des jeunes défavorisés. Yannick se laisse facilement prendre au jeu en leur dispensant parfois des cours de tennis. Des Restos du Cœur à son association, en passant par des apparitions télévisées et quelques pubs, Yannick fait toujours parler de lui. Pourtant, son deuxième album, qui s'appelle Urban Tribu, sorti en 1993, passe quasiment inaperçu et laisse peu de traces, alors que sa promotion a été très importante. Très inspiré par Lennon et Jimi Hendrix, cet opus chanté en anglais lui donne quand même l'occasion de se produire sur scène. Avec son groupe de musiciens Zamzam, il parcourt la France pour une quarantaine de concerts intitulés Urban Tribu Tour 93. Là, comme sur les cours de tennis, il montre son sens du show, aidé par un charisme non démenti. En avril 1997, Yannick sort une autobiographie, Secret, etc., un ouvrage dans lequel il s'interroge sur la gloire, le rôle d'un champion notamment. Quelques mois plus tard, en plein été, il sort un simple baptisé « Au rêve », qui est une autre version de la Marseillaise écrite à l'origine, bien sûr, par Rouget de Lisle. Chant patriotique et hymne national français, cette chanson aux paroles guerrières est transformée en hymne pacifique par les bons soins de l'ex-tennisman, ce qui ne plaît pas à tout le monde. En effet, certains anciens combattants s'insurgent contre cette version, n'admettant pas que l'on transforme un symbole de leur lutte. Une certaine polémique s'installe, mais ne dure pas. En septembre 2000, Yannick Noah revient avec un nouvel album éponyme, enregistré entre Paris et Kribi au Cameroun. Son premier extrait, Simon Papa Tara, est dédié à son grand-père décédé, ce sage dont l'apparition, un soir de 1985, lui changea la vie. Ce retour aux sources n'est pas sans rappeler le fameux saga Africa, bien sûr. Après 10 ans d'absence musicale, l'homme s'offre par ailleurs le luxe d'une brochette de compositeurs et paroliers émérites pour son retour discographique, notamment Jean-Jacques Goldman, Jean Kapler, Eric Benzi. Toujours aussi modeste, il signe là un album intimiste, reflet d'un métissage harmonieux entre Afrique et Europe, développant un style personnel que lui-même définit par le terme Afro-reggae. Les Lions, le deuxième single issu de cet opus, en est la preuve et le succès est cette fois-ci au rendez-vous. Yannick Noah retrouve la scène le 5 décembre 2000 en première partie de David Hallyday à l'Olympia, alors qu'il avait déjà participé à la tournée Ricard Live Music en juillet et août. Il participe à la Fête de la Musique 2001 et se produit une nouvelle fois à l'Olympia le 2 juillet, cette fois-ci en vedette. En octobre, il donne un concert au profit de l'association Les Enfants de la Terre, dont on a parlé, dont sa mère Marie-Claire s'occupe. Et le 21 novembre, au cours de la tournée automnale, il se produira au Zénith de Paris. Yannick Noah poursuit une grande tournée et apparaît dans des festivals pendant tout l'été 2002. Il accorde une importance majeure à la scène. Tout ça avec la même équipe de musiciens et de techniciens qu'il considère comme une tribu. Il fait son maximum pour donner au public, souvent composé de jeunes, le meilleur de lui-même. On le retrouve dans Simon Papa Tara, puis une nouveauté, Le plus heureux des hommes, c'est un titre de David Hallyday dont je viens de parler. Tu es venu ce matin, à l'heure où la nuit meurt. Tu es venu de si loin, d'où la mort ne fait plus peur. Tu es venu me parler un peu de notre vie. Même veste et même chapeau, le Noah de fer africain. Oui, je sais que tu vis en moi, Simon Papa Tara. Oui, je sais que tu es en moi, Noah Didier Noah. Tu sais, grand-père ici ne crois pas à ces choses-là. Yeah. Tu es venu ce matin, Simon Papa Tara. Jet, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Nouveauté. Nouveauté. Je pas. Fadjet sur internet www.fadjet.net. www.fadjet.net. Ce petit jingle pour vous rappeler que vous pouvez retrouver en podcast notre émission juste après la diffusion sur l'antenne. C'est à écouter sans modération, 24 heures sur 24 bien sûr. On revient à Yannick Noah. En juin 2003, il fait les premières parties de Johnny Hallyday lors de sa tournée des stades. Il propose dès la fin du mois d'août un nouvel album intitulé Pokhara, du nom d'une ville au Népal. L'ensemble des morceaux sont faits sur mesure, dans un style très proche du précédent album, par le trio Eric Benzi, Jean Capler et Jacques Veneruzzo. Le premier titre présenté au public s'appelle « Si tu savais ». Yannick Noah vendra plus d'un million d'exemplaires de cet opus. Et l'année 2004 est placée sous le signe des concerts. Le chanteur entreprend une très grande tournée. Le 2 octobre, il se produit notamment au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Un disque intitulé Métis, moitié live, moitié inédit, sort début juin 2005. On compte un duo avec This Is La Peste et un autre avec le Jamaïcain Jimmy Cliff. Il y a aussi une reprise de Téléphone, la chanson La Bombe Humaine. Pendant l'été, il entame une tournée acoustique et se produit au Casino de Paris. Ose, on l'écoute tout de suite, puis j'ai fait allusion au groupe Téléphone, ce sera La Bombe Humaine. Presque rien, juste un pas, et venir plus près. D'autres liens, d'autres voies, au moins essayer. L'étincelle qu'on reçoit d'un premier regard. L'étincelle vient de toi, s'envole au hasard, et peut tout changer. Hit et zéro pub, c'est aussi ça, Fadjet. Je veux vous parler de l'arme de demain, enfantée du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler de moi, de vous. Je vois à l'intérieur des images, des couleurs qui ne sont pas à moi, qui qui parfois me font peur, sensations qui peuvent me rendre fou. Nos sens sont nos fils, nos pauvres marionnettes. Nos sens sont le chemin qui mène droit à nos têtes. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as le détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin. On revient à notre coup de cœur, Yannick Noah, à l'automne 2006, on en est là. Yannick Noah propose un nouvel album original qui s'appelle Charango, du nom d'un instrument à cordes d'origine bolivienne, il faut le savoir. Cette fois-ci, l'ancien tennisman se tourne vers l'Amérique latine et ses rythmes particuliers. Il fait de toute façon appel à la même équipe d'auteurs et compositeurs que pour ses précédents albums. Le premier extrait, Donne-moi une vie, sort ensuite aux arbres citoyens un hymne à l'écologie, thème on ne peut plus rassembleur, bien sûr. Yannick Noah reprend la route dès le mois de mai 2007 pour une tournée à travers la France. Sur ses 150 dates de concert, il réunira plus d'un million de personnes. Et cet opus Charango, sachez-le, s'est écoulé à quelque 1,3 million d'exemplaires, confortant ainsi Yannick Noah dans sa position de chanteur populaire. En juillet 2010, selon sa propre idée, il se lance dans une série de concerts donnés dans 800 pénitencier français. Il débute au Baumettes à Marseille, participant ainsi, grâce à cette démarche altruiste, à maintenir le lien entre les détenus et le monde extérieur. Une expérience unique, chargée d'émotions, dixit l'artiste lui-même. En août, toujours de cette même année 2010, il est élu pour la 6e fois d'affilée personnalité préférée des Français selon un sondage IFOP. Aux arbres citoyens. Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. Du cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Vous écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. Avant de poursuivre ce coup de cœur, Yannick Noah, je voudrais qu'on écoute Jean-Louis Murat, dont les chansons ont marqué des générations de fans et qui s'est éteint le 25 mai dernier à l'âge de 71 ans à son domicile en Auvergne, sa région de cœur et d'origine. Inclassable, l'artiste était prolifique mais fuyait les conventions et une forme de médiatisation. Quand il montait sur scène, regard bleu acier, voix de séducteur lancinante avec son groove si particulier, ce n'était pas pour faire plaisir aux gens, mais pour les déstabiliser, voire les dégoûter, disait-il à l'AFP en 2014. Les charmer aussi, passant volontiers de l'anecdote pleine d'humour noir à la plus forte des poésies et mélange d'influences du terroir auvergnat autant que des nuits américaines. On le retrouve dans son titre « Au Mont sans souci ». Les enfants forment une ronde, les monos sont jolis. À l'essuie est belle, tête blonde au terme de chaussis. Allez soigner à l'arsenic vos souffles affaiblis. Les récits doux dans la bruyère, au mont sans souci. Dieu les enfants aime la sieste d'eau tout étourdie. Les filles de Cadet Roussel pendant ce répit. Venez pour une heure à peine voir les gars du pays. Venez chanter dans la bruyère au mont sans souci. J'en pinçais pour une infirmière, une brune plutôt jolie. Je suivais comme Davy Croquette son large parapluie. Au Cinévox, elle m'emmenait voir un guitar Johnny. Je n'avais qu'une idée en tête, le mont sans souci. J'aimais déjà dire je t'aime, je lui dis. Je savais que dans une semaine, elle serait loin d'ici. Tous ces amours de courte haleine embellissaient nos vies. D'un éclat mauve de bruyère au mont sans souci. Les baisers, le doux manège, viens donc que je te suis. Sauras-tu tenir ta promesse et m'aimer cette nuit. Quand s'entrouvrait la lumière, les portes du paradis. J'aurais passé ma vie entière au mont sans souci. Herbe têtue, rouge calèche, toboggan rentré. Le temps est long qui nous ramène les filles avec l'été. Quand l'éclat mauve délétère n'éclaire plus ma vie. Je vais dormir dans la bruyère au mont sans souci. Partageons nos passions sur Fadjet. On revient à Yannick Noah. En août 2010 sort son album Frontières. Il est précédé par le premier extrait Angela, hommage à Angela Davis, la militante noire américaine. Vivant désormais à New York, le chanteur déclare sa flamme à cette ville avec le titre Ma Pomme. Noah présente un album multiculturel, véhiculant des valeurs humanistes, musicalement très éclectiques, entre pop, rock, reggae et chansons. Quelques jours après sa sortie, l'album rencontre déjà un grand succès commercial. Le 25 septembre, l'ancien tennisman se produit pour la première fois au Stade de France Saint-Denis. Ce concert est précédé d'une date en Belgique et en Suisse. Il reprendra la route que début janvier 2011. Il enchaîne alors près de 100 concerts en un peu plus de 7 mois jusque mi-août, passant par de grands festivals comme celui des Vieilles Charrues. La trêve est de courte durée. Dès le mois d'octobre, la tournée reprend dans le Pacifique, à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie. Puis à partir de novembre, le rythme s'intensifie encore en métropole. 25 concerts en 40 jours, pour la plupart dans les plus grandes salles que comptent ces villes-étapes. L'année 2012 débute sur le continent africain, avec deux concerts à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En mars, il repart sur les routes de France pour une trentaine de dates en 3 mois, à l'occasion d'une tournée baptisée Acoustique, pour laquelle il est accompagné d'une formation plus restreinte. Il reste 6 soirs de suite à l'affiche de l'Olympia. Son album Hommage, constitué de chansons du Jamaïcain Bob Marley, paraît fin mai. L'envie était là depuis longtemps. La star du reggae fait partie des artistes qui l'ont marqué en profondeur, à la fois sur le plan musical, mais aussi dans sa vie d'homme, comme il ne manque jamais de le rappeler. Pour ce projet spécifique, Yannick Noah, qui est pour la 8e année consécutive la personnalité préférée des Français, a travaillé avec Siméo. Ce jeune chanteur et musicien ayant 3 albums personnels à son actif a apporté son expérience afin de permettre à l'ancien tennisman de s'éloigner des versions originales pour s'approprier les 11 titres sélectionnés et les restituer dans un style très personnel. Ce disque reste plusieurs semaines en tête des ventes d'albums en France. 1968, l'Amérique est figée. Un ange proteste, les écrous sont rouillés. I'm black and I'm proud. Le souffle des ghettos, les gants noirs se lèvent. Un soir à Mexico, le rêve martyrisé de Martin Luther King, une enfant nue brûlée, Bobby qu'on assassine, panthère noire traquée, le son d'intolérance, cette femme est coupable, coupable d'espérance. Oh, Angela, Angela. En 2014, Yannick Noah sort son 11e album intitulé « Combat ordinaire ». Si l'équipe habituelle qui entoure le chanteur demeure bien présente sur ce disque diversifié du point de vue musical, avec des influences rock ou bossa jazzy, des collaborations nouvelles sont à remarquer. Jean-Louis Aubert a écrit les paroles de 3 chansons et a porté la musique d'une autre, tandis que le slammer Grand Corps Malade a écrit le texte de la chanson « Mur ». Alors que ses précédents albums ont très bien marché, celui-ci ne s'écoule qu'à 100 000 exemplaires, une contre-performance pour le chanteur. Il mettra à nouveau sa carrière de chanteur, justement, entre parenthèses, après être revenu dans le monde du tennis en décembre 2015 en tant que capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. C'est 5 ans après Combat Ordinaire que Yannick Noah est de retour avec un nouvel album intitulé Bonheur Indigo. Ça se passe en 2019. Pour préparer ce 11e album, il s'est associé à 2 réalisateurs prestigieux, Nino Vella, qui s'occupe notamment de Black M, et Marlon, qui s'occupe de Juliette Armanet. On peut dire que Yannick Noah est le seul sportif à avoir jamais réussi une reconversion musicale. À la croisée de 2 passions, en fait, le sport et la musique, et de 2 patries, la France et le Cameroun, Yannick Noah fait un nouveau retour en 2022 avec l'album La Marfée. Nous allons l'écouter, justement, le présenter. À 30 ans, on m'a demandé qu'est-ce que j'allais faire plus tard. Et ouais, je rêvais d'être chanteur. J'ai toujours rêvé de ça. 40 ans, j'ai pas vu passer, 50 ans, j'ai rien vu. Ça va vite, en fait, ça va vite. Je me rends compte personnellement que là, ouais, 60, c'est... je suis sur le toboggan. Et c'est là que je chante La vie, c'est maintenant, quoi. Ça a du sens pour moi dans ma vie de chanter ça. Donc quand je la chante, c'est avec une émotion, parce que ça veut dire quelque chose pour moi. J'ai vu la mer au creux des vagues, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Le cœur serré, couler les larmes, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. J'ai fait la guerre aux vagues à l'âme, sous l'eau, sous les d'être comme ça. J'ai vu la terre tourner sans moi, ça n'allait pas. Tu m'as dit pas se changer d'air et ça ira. Et ça ira. Fais de la place à la lumière et ça ira. Et ça ira. Tu m'as dit toi qui m'as connu, rire aux éclatants que j'ai pu. Ce que j'attendais d'une amie, oh tu m'as dit. La vie c'est maintenant, on n'a pas de temps. Pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand. On dégomme la douleur, mes yeux du cœur, mes yeux du cœur. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant. L'été fait rage dans tes yeux, sois sûr de ça. Autant de courage pour deux, sois sûr de ça. Sois sûr de ça. Et si l'hiver est de passage, on sait pour mieux tendre les bras. Se rassurer quand c'est trop dur, sois sûr de ça. La vie c'est maintenant. Allez, avant de se quitter, quelques mots sur la vie personnelle de Yannick Noah. Sachez qu'il est père de 5 enfants, d'un premier mariage en 1984 avec Cecilia Rhodes, ancien mannequin et Miss Suède 78, son né Joachim en 1985 et Yelena en 1987. Il vit en Suisse de 1991 à 93 et après un divorce, il se remarie en 1995 avec le mannequin Evert Stewart White dont il aura 2 filles, Eleia née en 96 et Jenai née en 97. Ils divorceront aussi en 1999 et en 2003, Yannick Noah partage sa vie avec Isabelle Camus, fille du célèbre producteur Jean-Claude Camus. Le couple a un fils, Joao Lucas, qui est né en 2004. De retour en France, il vit avec sa famille à Feucherolles, puis rejoint New York en 2008 où il savoure son anonymat et se rapproche de sa famille. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que 50 ans après son départ du village d'Etoudi, depuis absorbé par Yaoundé, la capitale camerounaise, Yannick Noah s'y réinstalle en 2017 et, succédant à son père, en devient le patriarche. Allez, je vous propose qu'on se quitte en live, comme d'habitude. On le retrouve dans un titre que vous connaissez automatiquement, Les Lyonnais. Eh bien, j'espère vous avoir apporté un petit éclairage, quelques rappels et puis bien sûr le plaisir d'écouter Yannick Noah. Sachez qu'il sera en concert à Poitiers le 7 juillet prochain. Ben nous, le concert est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine à 17h le jeudi sur cette même antenne de Fadjet 94.2. D'ici là, passez de bons moments. Et puis, écoutez, profitez du soleil, ma foi, s'il nous fait des petits coups d'œil régulièrement sur la région. Bye bye, salut, à bientôt.